Chapitre 8e. Un matin, Garcin se rendit à un petit meeting organisé au Mill, près d'Aix. Pour faire mieux correspondre son image avec ses idéaux, il se passa de cocher et conduisit lui-même son petit Tilbury. Il emprunta pour s'y rendre le chemin de Valcross. Il y croisa un peintre de ses amis, personnage un peu bizarre du nom de Cézanne. Garcin lui proposa de monter pour l'amener à destination. L'autre accepta volontiers car son barda était bien lourd. Garcin le laissa en chemin et, parvenu sur la placette des Milles, il suscita l'enthousiasme. Il parla bien, fut fort applaudi et, content de lui-même, remonta dans son Tilbury pour le chemin du retour. Une heure et demie plus tard, on retrouva la voiture renversée dans le fossé, le cheval couché sur le flanc et bien mal en point. Garcin, qui avait dû être éjecté dans l'accident, gisait quelques mètres plus loin. Un mince filet de sang s'écoulait de son oreille. Il ne respirait plus. Pour une raison inconnue, la bête s'était certainement emballée et avait pris un train d'enfer pour aller se jeter contre un gros pin. On acheva le cheval et de bonnes âmes, la mine éplorée, conduisirent Garcin directement chez lui. Personne ne put témoigner de cet accident de circulation, les accidents de la route n'étant à cette époque que des ornières ou des cassis. Bien que Garcin ne fréquentât guère la paroisse de Saint-Jean-de-Malte, église du quartier, Hortense tint à ce qu'il fût enterré en grande pompe. Il y avait une telle affluence que beaucoup de personnes durent rester sur le parvis. Le père Étienne prononça une belle homélie, et après la dispersion de l'encens, l'on se dirigea en cortège vers le cimetière Saint-Pierre. Les présidents des loges, le maillet écossais, et les arts et l'amitié, en tenue discrète, prononcèrent chacun un discours feutré déplorant la perte irréparable de Garcin et les nombreuses qualités de cœur du défunt. Certains se demandaient bien ce que ces deux hommes peu connus avaient à voir avec Garcin. Mais ce jour fut marqué d'une pierre blanche, car jamais personne n'avait vu l'église et la maçonnerie se côtoyer d'aussi près. Finalement, le père Étienne, qui n'avait rien soupçonné, reprit les choses en main, force devant rester au Seigneur. Le cercueil glissa dans le caveau où Hortense, brisée de chagrin, faillit le suivre. Certains remarquèrent la présence d'un homme insolite qui se dandinait d'un pied sur l'autre, agité de tremblements et tirant par moments la langue. « Bé !» dit la cuisinière, « ce pauvre vieux a dû attraper la danse de Saint-Guy. » Hortense fut inconsolable, privée de l'affection de son mari, mais surtout de son challenger en tout. Elle n'avait plus goût à rien et disait à qui voulait l'entendre que le bon Dieu aurait dû l'emporter avec son mari. Elle prit l'habitude de se rendre tous les matins à l'office de Saint-Jean-de-Malte et invita à sa table le curé plusieurs fois par semaine. Elle préparait, disait-elle, son départ. Souvent, par une des ouvertures donnant sur la rue, elle apercevait le vieil agité qui semblait avoir pris racine dans le trottoir, les yeux rivés sur les fenêtres. Elle le regardait fixement, comme si, l'esprit ailleurs, elle voyait des images à travers les choses et les gens. Un jour, dans un petit boudoir attenant à sa chambre, elle eut un entretien à voix basse avec le père Étienne. Le hasard voulut que César, réparant un bec de gaz dans la chambre, entendit malgré lui les propos d'Hortense. Bien des années plus tard, au début de la Grande Guerre, il révéla ce qu'il avait entendu. Hortense avait raconté que le jour de l'assassinat de son père, quand les gendarmes furent assez loin, elle s'était jetée dans les bras de son promis. « Ah, mon Eugène, si tu savais comme tu m'as fait peur quand j'ai vu cette vieille sorcière, qu'est-ce que tu t'étais mis sur les dents ? J'avais sucé un bout de charbon tout le long du chemin et je recrachais le jus. Et ta voix, oh mon Dieu, comment as-tu fait ? J'avais fumé du sureau. Si tu ne m'avais pas montré la cicatrice de ton poignet, jamais je ne t'aurais reconnu. Quelle histoire, mon Eugène ! » Le père Étienne se récria, et le majordome ne réussit qu'à capter des bribes de la suite des propos d'Hortense. Il crut comprendre que Garcin avait passé un marché avec Séraphin, où il était question de Napoléon, mais que l'affaire ne s'était pas déroulée comme prévu. Séraphin devait faire peur au père Meffre, afin que ce dernier comprît qu'une présence masculine à la ferme était dans son intérêt et celui de sa fille. La servante, entrant bruyamment dans la chambre, ne permit malheureusement pas d'en savoir davantage. Pour le reste, on dut se résoudre à des suppositions. Garcin avait-il sous-estimé les pulsions criminelles de Séraphin qui n'avait pu résister au plaisir de tuer ? À moins que les choses ne se fussent pas exactement passées comme Hortense les avait racontées au procès, Que devait faire Garcin ? Lui poser la question aurait rompu à jamais leur union. Adieu tous les beaux projets. Le mieux était donc de laisser filer l'affaire et d'attendre son dénouement. Alors il s'était certainement drapé dans le runner pour donner le change. Il n'avait pas hésité à charger Séraphin pour s'en débarrasser, bien certain qu'il irait au bagne et qu'il y mourrait. C'était finalement leur parole contre la sienne, et la justice, à cette époque, n'allait pas chercher bien loin. D'ailleurs, le majordome raconta qu'il avait surpris un fait qui pouvait étayer cette thèse. Un jour, Garcin tomba sur un long article du Petit Marseillais relatant la vie des bagnards à Cayenne. On y expliquait les misères physiques et morales totalement inhumaines qu'enduraient les prisonniers dont beaucoup auraient finalement préféré la guillotine. Le majordome présent vit bien que cet article avait fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le cerveau de Garcin. Contre l'avis de son mari, Hortense le lut aussi. Pendant plusieurs jours, au matin, les époux avaient un teint plombé et une mine abattue. César fut certain que ce bouleversement était dû à l'article du journal. Pourtant, pourquoi un tel impact ? Qui avait dit la vérité ? Hortense ou Séraphin ? Y avait-il eu une erreur judiciaire ? La seule version reconnue des faits était celle d'Hortense, et si après tout ça ne s'était pas passé ainsi ? Garcin, absent de la scène, devait se poser la même question que César. Quelquefois, son maître avait envie de tout envoyer par-dessus les moulins et de foutre le camp, mais il y avait le « qu'en dira-t-on ? » César, attaché à son emploi, réussissait toujours à calmer les choses. À l'office, on s'étonna de ce changement d'humeur. « Ça ne va plus entre eux. Je crois qu'ils passent la nuit à se bouffer le nez, » remarqua la cuisinière. « Mais non, Garcin a réintégré le lit de madame. « Je crois que c'est le démon de midi qui les tient, » dit la servante. « Ils doivent faire l'amour comme des bêtes lubriques toute la nuit. » « Ça doit certainement être ça, » mentit finalement César, le majordome. La vérité était qu'Hortense ne pouvait plus dormir seule. Elle était assaillie par des cauchemars affreux, dans lesquels Séraphin se traînait sous un soleil de plomb, couvert de plaies purulentes, poursuivi par d'autres détenus qui voulaient abuser de lui sexuellement. Ils mirent plus d'une longue semaine à ravaler leur émotion et revenir à une vie normale. Hortense prit l'habitude de visiter les détenus de la prison d'Aix pour adoucir leur peine et Garcin la remplaçait quand elle ne pouvait s'y rendre. Bien évidemment, on mit cette sollicitude sur le compte du calcul électoraliste. Était-ce la souffrance de Séraphin qui dicta à Garcin sa prise de position dans l'affaire Dreyfus, cet officier condamné au bagne ? Un matin, attablé à la terrasse des deux garçons avec un gros négociant italien en grains et semences, Garcin s'emporta. Son interlocuteur se prononçait catégoriquement pour la culpabilité de Dreyfus. « Ces juifs, tous pareils, menteurs, dissimulateurs, fourbes !»« C'est vrai, » renchérit Garcin, « c'est comme les Italiens, tous des révolutionnaires et des contrebandiers, sans foi ni loi. »« Je ne vous permets pas, » s'offusqua le négociant. « Quoi ? Vous ne voulez pas qu'on vous mette tous dans le même sac ? C'est pourtant ce que vous faites avec Dreyfus. À l'armée, j'ai connu plus d'hommes que vous, colonie. Des Turcs, des Arabes, des gars de toutes les couleurs et de toutes les origines, surtout dans les ports. Et je vous dis que nous sommes tous pareils, avec les mêmes défauts, généreusement distribués, et les mêmes qualités, parcimonieusement partagées. Si Dreyfus est coupable, c'est parce qu'il a peut-être failli à son honneur d'officier, et non parce qu'il est juif. « Allez, compère, buvons frais, et ne nous bouffons pas le nez sur des idées reçues. » Cette répartie, surprise par des consommateurs voisins, suffit à faire de Garcin un fervent Dreyfusard aux yeux de la communauté. De passage à Aix, Zola, aux oreilles de qui cette prise de position était parvenue, lui rendit une rapide visite.